part of production. J'y vais où je veux et je prends tout, je vais seul tout. Tu deviens fou, tu me vois partout, bref, ta copine a fini en partout. T'as pas payé, tu t'es fait allumer, tu dans les bails, on va du follow me. T'as pas fait des corps pour me calculer, aujourd'hui tu veux finir dans mon lit. Coréine dans mon gobelet, cocaïne collée sous ton nez. Numéro 1, sois pas étonné, sur la transat, on est détendu. Ton flow il est nul, il est trop léger, pour nickel peur, je me suis engagé. Pour nickel peur, je me suis engagé, quelques camicara, c'est terminé. Hier c'était eux, aujourd'hui c'est nous, c'est Dieu qui donne gros, y'a pas de marabout. Ton rappeur préféré, aller dans la fauche nous, c'est des tubes pour avoir un babou. C'est fainé, 4000 carats va tout casser d'ici la fin de l'année. Bah ouais mon gros tu connais, tu travailles toute l'année mais tu fais le voyou. Quoi, espèce d'ario, tu fais le mec patré, tu manges des cailloux. Quoi, comment, vas-y fuck you. MC t'es tout pété et en plus tu cries, fais que je te mette de la maison, yeah. J'ai un membre de rendez-vous le 24 avril, je sais que t'es jaloux, nanani nanana. On met les sous, nous on prend, je suis en carrière, je t'attends. Puis le petit, puis le grand, on débarrasse chacun son tour. Attiré par les pesos, je refourque sans faire de pause. Même plus choqué de faire le million. Depuis Moussa, je suis plus mignon. Elle veut mon cœur, mais cherche le trait. Je suis au quartier, je suis en showcase. Avec 4000 carats à l'aise. 2018, on sort le gros fer. Et dans le carré, y'a trop de liquide. Espèce bouteille, y'a plus de limite. Ouais, y'a plus de liquide. Elle me déma, elle est timide. Un peu coquine, matérialiste. Mais ça tombe bien, gros, j'ai du fric. J'suis dans le corner à chercher qui doit le bas. J'suis Linda Linda que je fous la merde. Ils crieront ma name comme une rockstar. Ton poteau là sous ce qui la pierre. Une tête qui tombe, vite à retrouver. T'as le bras, le bras, pas au tu n'as pas pied. Et j'dis une casse à me dit tu connais. Envoie les cheveux, parle-nous pas japonais. Hier c'était nous, aujourd'hui encore. Tous les ports finiront par aimer. J'te dis que ma raison fait que j'ai jamais tort. Faites vos jeux, on finit par régner. Oh. J'suis plus le gros, mon ami, t'es partout, c'est tant si, mais tu dois du blé. Tu vas chaud et ta bille, tu t'en fous, tous tes cris vont pas nous duper. On veut les sous, nous on prend. J'suis dans ta rue et je t'attends. Puis le petit, puis le grand. On débarrasse et chacun son tour. C'est à nous, yo, et oui mon loup, c'est à nous, yo. C'est à nous, yo, et oui mon loup, c'est à nous, yo. On veut les sous, nous on prend. J'suis dans ta rue et je t'attends. Puis le petit, puis le grand. On débarrasse et chacun son tour. On a tout dans la minute qui vient. Donc qui rentre dans le bâtiment, faut quoi l'ancien. Chiffré, y'a pas plus bien. Pour capter Philippe, faut que j'ai les poches pleins. Là je vois que t'es pas bien, bizarrement sur tes potes, tu fais moi le malin. Là je vois que t'es pas bien, bizarrement sur tes potes, tu fais moi le malin. On débat dans leur fête, ça t'a tendu. Devant le commissaire, la bouche cousue. Ta soeur était blasée, la pendule. La laisser traîner, t'aurais pas dû. Y'a des bons et y'a ceux qui simulent. Et je me demande de quel camp tu te situes. Y'a des bons et y'a ceux qui simulent. Et je me demande de quel camp tu te situes. La voyait comme un koala. Ils se demandent qui va là. Tous des rappeurs, y'a pas ma pamba. 4000 carats à faire à l'anda. Tout coquet comme à moi, Kamoul. Un petit coup de pouce, la santé de la choule. Tu connais un tel, on s'en bat les couilles. Moi, ouais, tu connais un tel, on s'en bat les couilles. Moi, ouais, tu connais l'adresse, my nigga. Si t'as chose qu'elle a faire, mort, dis-moi qui t'empêche. Mon robe, le calibre dans la sacoche, ton short d'un showcase. C'est chacun son tour, maintenant c'est à nous. On vient prendre le terrain, fais pas les coups. C'est 4000 carats, 4 queues. J'ai un membre brutal, bientôt mettez-vous à genoux. On veut les sous, nous on prend. J'suis dans ta rue et je t'attends. Puis le petit, puis le grand. On débarrasse et chacun son tour. C'est à nous, yo, et oui mon loup, c'est à nous. C'est à nous, yo, et oui mon loup, c'est à nous. On veut les sous, nous on prend. J'suis dans ta rue et je t'attends. Puis le petit, puis le grand. On débarrasse et chacun son tour.